Chapitre 3. La bague. Ce disant, René Caudal tendait au docteur sa main gauche où brillait une perle superbement enchâssée. Étienne Patrice demeura un long moment silencieux, les yeux rivés sur cet anneau, stupéfié, perplexe, sentant mille arguments contradictoires se choquer dans sa tête. D'abord, et quoi que sa raison en pût dire, il sentait bien, en sa qualité de médecin, que René ne délirait pas. Qu'il se permît de lui faire un conte à dormir debout, il ne pouvait l'admettre un instant. Sa franchise et sa loyauté lui étaient trop connues. Mais en dehors du témoignage moral que le docteur retirait du caractère comme de la physionomie de son jeune ami, il y avait cette étrange relique, cette bague qui, même présentée dans des circonstances ordinaires, aurait frappé l'œil le plus indifférent. La beauté unique de cette perle constituait à elle seule un mystère. D'où venait-elle? Sa pureté, sa forme, sa grosseur, sa perfection incomparable l'attestaient. C'était là un bijou royal, un joyau historique d'un prix unique, qui n'aurait pu disparaître d'un écrin sans que le possesseur jetât les hauts cris, ni courir le monde sans que l'auteur du larcin fût vite découvert. Il devait être célèbre, décrit minutieusement dans les archives de quelque antique maison. La monture était, s'il est possible, encore plus surprenante que la perle. Cléopâtre elle-même n'aurait certainement pu mieux en chasser celle que la légende lui fait avaler. Le docteur Patrice avait, un peu comme tout le monde moderne, la manie du bibelot. Mais il avait ce que tout le monde ne peut avoir, le sens artistique, si commun parmi les enfants du Midi de la France où il était né et où il semble que la sculpture, la peinture, la musique, le chant, l'éloquence, les belles lettres croissent naturellement et sans effort. D'instinct, il reconnaissait une œuvre d'art, et l'expérience lui avait appris à la classer avec certitude, à lui attribuer sans hésiter une date, une école, une patrie. Mais voici que, devant ce chef-d'œuvre en miniature, il se sentait complètement dérouté. De l'art grec? Sans doute, mais grec tout juste. Comme les paroles de la jeune fille et du vieillard avaient semblé du grec à René Caudal, quoiqu'il n'y comprît pas un mot, il en convenait. Nulle part le docteur n'avait vu ce style d'ornementation. Ceci n'appartenait ni à l'aurore de l'art grec, ni à son apogée, ni à sa décadence. On n'y retrouvait aucun des traits essentiels des écoles doriques, ioniques, corinthiennes, néo-grecques. Il n'y avait pas de nom à donner aux deux figures merveilleusement ciselées qui soutenaient à droite et à gauche l'impériale perle. Aucun animal, aucun oiseau, aucune espèce fossile reconstituée par la science n'était ici représentée. La chimère, création bizarre de l'imagination antique, n'aurait pu en donner une idée, car ce qui la rendait singulière, c'était l'expression encore plus que la forme de cette figure, effigie d'une créature véritable ou symbole capricieux des croyances disparues, on ne pouvait le dire. La matière qui composait la monture était un autre sujet de perplexité. Impossible de définir si c'était là du métal, de la pierre ou du bois. On aurait penché pour du métal. Mais était-ce de l'or, de l'argent, du platine? Non. Un alliage inconnu? Peut-être. Cela ne ressemblait à aucune chose déjà vue. Rien que dans la forme, le tour indescriptible de cet anneau, on sentait une énigme. Entre l'artiste qui l'avait conçu et ceux qui le contemplaient aujourd'hui, il y avait un abîme, abîme de temps, d'espace, de religion, de pensée, de génie, de race, de langue, de mœurs. Cela sautait aux yeux. On croirait vraiment que ce bijou est tombé d'une autre planète, fit le docteur involontairement. Tu vois, dit René avec vivacité, je ne pense pas avoir rêvé. Même si j'étais tenté de le croire moi-même, ce qui n'est pas du tout le cas, je suis parfaitement certain que ce que je t'ai dit a été vu et vécu. Je suis aussi convaincue de la réalité de mon aventure que de mon accident à bord de l'Hercule, que de mon identité, que de n'importe quoi, enfin, dont on ne peut répondre. Eh bien, eussé-je des doutes? Que dire devant ce témoignage? Je n'en sais rien, fit le docteur pensif. Si seulement il y avait une inscription, ajouta René, tournant et retournant la bague en tous sens. Une inscription? Au temps et dans le milieu où ce bijou a été ciselé, je serais surpris d'apprendre qu'on avait recours à nos moyens d'écrire. On croit bien que l'arrangement de ces deux figures constitue à lui seul une phase lisible pour celle à qui l'anneau était destiné. Celle à qui il était destiné? Répéta René d'une voix de rêve. Ah, si tu l'avais vue, Étienne, cette bague même cesserait de te surprendre, toute merveilleuse qu'elle est. Possible, fit le docteur en hochant la tête. Mais si je dois te dire toute ma pensée, je ne voudrais pas te voir muser ainsi sur ce souvenir. Je ne prétends nullement expliquer ce que je ne comprends pas, et je ne nie pas ce qui me dépasse. Il y a des mystères qu'il peut être bon et sain de sonder. Celui-ci ne me paraît pas du nombre. Sirène ou mortelle, ange ou diablesse, je n'aime guère ta déesse avec ses breuvages mystérieux et son hospitalité énigmatique. Crois-moi, enferme cette bague, ou mieux, jette-la à la mer, comme cet ancien en offrande propitiatoire aux dieux. Tourne résolument le dos à des souvenirs qui ne peuvent que te troubler la cervelle. Cesse de regarder dans une sphère inconnue et reporte tes yeux plus près de toi. Jamais, s'écria l'aspirant avec indignation. Jamais. Moi, j'oublierai cette vision? Non, cher ami, je le voudrais que je ne le pourrais pas. Tiens, tu parles de le jeter, et te voilà toi-même repris par la fascination de cet anneau. Tu n'en peux détacher tes yeux, ta main s'étend malgré toi pour le reprendre. Eh bien, la puissance qui m'ordonne de retrouver ces êtres d'élite, l'attrait qui me pousse vers eux, est autrement impérieux que tout ce que tu peux imaginer. Il faut que je retrouve mes hôtes, que je revoie leur demeure sous-marine. Il faut que j'apprenne leurs secrets, que j'obtienne leur confiance, que j'entre en communion avec eux. Il faut surtout que tu retrouves tes forces, dit le docteur, un peu effrayé de cette exaltation. Il faut que tu ailles te remettre auprès de ta bonne mère. Ne vois-tu pas que ces aventures t'ont terriblement éprouvé et qu'avant d'en tenter de nouvelles, il serait nécessaire de reprendre un peu de chair sur tes os? C'est juste, dit René sérieusement. Qui veut réussir dans une entreprise quelconque doit d'abord faire provision de force et de santé. Aussi ai-je bien l'intention de demander un congé et de partir pour les peupliers aussitôt que je serai libre. Les peupliers, répéta le docteur avec mélancolie. Ah, René, comment est-il possible qu'une autre image puisse effacer celle que tu vas retrouver là-bas? Eh ! Fit l'aspirant d'un ton d'humeur. Vas-tu te mettre du parti des autres à présent? Bien entendu, il s'agit d'Hélène. Combien de fois faudra-t-il supplier nos amis de ne pas vouloir faire notre bonheur malgré nous? Ta mère serait si heureuse de l'appeler sa fille. Mais c'est déjà chose réglée, dit René en riant. Ne vois-tu pas qu'au fond, c'est là l'obstacle? Pourra-t-on jamais parer de vertus idéales le camarade de jeu avec qui on a grandi, avec qui on a échangé force taloche et vérité peu flatteuse? Il y aurait danger vraiment de recommencer à la première discussion. Pauvre Hélène, elle est digne d'un meilleur sort que d'être épousée par contrainte. Mais fort heureusement, elle n'est pas fille à se laisser imposer un choix. Et d'ailleurs, ajouta-t-il non sans un éclair de malice, ou je me trompe fort, ou elle n'a pas à aller bien loin pour trouver des admirateurs plus satisfaisants que moi. À propos, dit le docteur, changeant brusquement le sujet, as-tu entendu parler de Kermadec? Certes, dit Caudal. Le brave garçon est venu me voir dès son arrivée à l'hôpital. Il a encore plus grand besoin que moi de repos et de changement. Sais-tu à quoi j'ai pensé? À l'emmener au peuplier. Il n'a plus de famille. Maman et Hélène le connaissent par mes lettres et je suis sûre qu'il se plairait là-bas. Excellente idée, dit le docteur. Si ce n'est pas à ton service qu'il a été blessé, ce n'est pas faute de l'avoir souhaité. Tout le désespoir de ce brave cœur était de te survivre et de ne t'avoir été bon à rien. Tu t'es fait là un ami dévoué. Bien aisément, je t'assure, mais l'amitié est réciproque. Kermadec a des qualités rares, avec une simplicité d'enfant, un caractère naïf et crédule qui l'expose au pire aux influences. Celles qu'il trouvera au peuplier ne pourront que lui être bienfaisantes, dit le docteur. C'est donc une affaire entendue. Avec son assentiment, qui n'est pas douteux, nous demandons un double congé. Vous allez vous rétablir ensemble au bon air de la campagne, et je trouverai bien aussi le temps d'aller dire un petit bonjour au peuplier. Tu sais qu'hier encore, j'étais commandé pour un service pagay, la mission d'aller annoncer à ta mère que son petit René avait servi au déjeuner des crabes, dit l'aspirant d'un ton qui démentait la légèreté de ses paroles. Pauvre maman. Bah, ne pensons plus à tout cela, puisque c'est fini. Hâte-toi d'avoir ton congé et de venir nous rejoindre.